de Jérôme K. Jérôme, Les trois hommes en Allemagne. Roman traduit de l'anglais par George Seligman. Bibliothèque électronique du Québec. Édition de référence, Paris, édition de la Sirène, 1922. Sixième édition. Je dédie cette œuvre insignifiante d'un écolier très humble au bon guide qui, sans me diriger, me conduit dans le droit chemin. Au philosophe bon vivant qui, s'il n'a pu m'amener à supporter le mal dedans avec patience, m'a cependant soutenu par la pensée que cet incident ne serait que passager. Au bon ami qui sourit quand je lui fais part de mes ennuis et qui, lorsque j'appelle au secours, ne fait que répondre « Attends !» À l'ironiste, à la figure grave pour lequel la vie n'est qu'un recueil d'épisodes humoristiques. Au bon maître, le temps. 1. Trois amis éprouvent le besoin de se distraire. Fâcheux résultat d'une déception. Couardise de Georges, Harris a des idées. Récit du vieux marin et du yachtman inexpérimenté. Un équipage plein de courage. Du danger de mettre à la voile par vent de terre. De l'impossibilité de naviguer par vent de mer. Les arguments d'Ethelberta. L'humidité de la rivière. Harris propose un voyage à bicyclette. Georges craint le vent. Harris suggère la forêt noire. Georges craint les montées. Plan imaginé par Harris pour en triompher. Irruption de Madame Harris. Ce qu'il nous faudrait, dit Harris, ce serait un peu de distraction. À ce moment, la porte s'ouvrit et Madame Harris, passant la tête dans l'entrebâillement, nous dit qu'Ethelberta envoyait me rappeler qu'il ne fallait pas rentrer trop tard à cause de Clarence. Je suis enclin à penser qu'Ethelberta se tourmente trop volontiers sur le compte des enfants. L'état de ce petit n'offre en somme aucune gravité. Il est sorti le matin avec sa tante. S'il a le malheur, étant avec elle, de regarder la devanture d'un pâtissier, elle le fait entrer et le bourre de choux à la crème et de buns jusqu'à ce qu'il se déclare rassasié et refuse avec politesse et fermeté de manger quoi que ce soit de plus. Résultat, il a du mal à avaler un peu de purée à déjeuner et sa mère craint qu'il ne couve une maladie grave. Madame Harris ajouta que nous ferions bien de nous dépêcher de monter pour ne pas manquer la récitation de « The Mad Hatter's Tea Party » tirée d'Alice in Wonderland. Muriel, c'est la récitante, est la deuxième enfant de Harris. Elle a 8 ans, c'est une fille intelligente et gaie, mais pour ma part je la préfère dans les pièces sérieuses. Nous répondons que nous finissons nos cigarettes et que nous viendrons tout de suite après, et nous supplions Madame Harris de ne pas laisser Muriel commencer avant notre arrivée. Elle promet de tout faire pour calmer le zèle de l'enfant et s'en va. Harris, la porte fermée, reprit sa phrase interrompue. « Vous comprenez ce que je voulais dire. Un changement total. Comment le réaliser ?» Georges proposa un voyage d'affaires. Un jeune ingénieur avait, je m'en souviens, projeté un de ses voyages d'affaires pour Vienne. Sa femme lui demanda de préciser ses projets. Il s'agissait de visiter des mines aux alentours de la capitale autrichienne et de rédiger des rapports. Elle désira l'accompagner, c'était une femme à ça. Il fit l'impossible pour l'en dissuader, alléguant que la place d'une jolie femme n'était pas dans une mine. Elle était bien de cet avis. Aussi n'avait-elle nullement l'intention de l'accompagner dans les puits. Simplement, elle le mettrait en voiture chaque matin, puis se distrairait jusqu'à son retour en admirant les boutiques et en y achetant d'aventure ce qui la tenterait. Ayant lancé l'idée, il ne voyait plus maintenant le moyen de se tirer de là. Pendant 10 longues journées d'été, il fut condamné à inspecter les mines des environs de Vienne et le soir à rédiger des rapports. Il les expédiait à son patron qui ne savait qu'en faire. Je rappelai ce précédent et en fis l'application à notre cas. Je serais navré de croire qu'Ethelberta et Madame Harris appartiennent à cette catégorie d'épouses. Cependant, ne recourons pas, pour cette fois, au prétexte « affaires ». Réservons cet échappatoire pour le cas d'absolue nécessité. Non, allons-y carrément. Voici ce que j'expliquerai à Ethelberta. J'ai remarqué, lui dirais-je, que jamais mortel n'estime à sa juste valeur un bonheur qui est constamment à sa portée. J'ajouterai qu'afin de lui permettre d'apprécier mes qualités personnelles, je jugeais opportun de m'arracher à sa société et à celle des enfants pour 3 semaines au moins. Je lui dirai, continuai-je en m'adressant à Harris, que c'est vous qui m'avez fait comprendre cela, que c'est à vous que nous devons... Harris posa vivement son verre. Si cela ne vous fait rien, mon vieux, je préférerais autre chose. Elle en parlerait à ma femme, je serais désolé de recevoir des remerciements que je ne mérite pas. Mais si, vous les méritez, car c'est bien vous qui... Harris m'interrompit encore. Non, c'est de vous que vient l'idée. Vous vous rappelez avoir dit que c'est une erreur de s'enliser dans la béatitude domestique, et qu'une félicité ininterrompue alourdit le cerveau. Je parlais en général. Et précisément, continua Harris, je me proposais de parler à Clara de votre suggestion. Elle apprécie beaucoup votre intelligence, je le sais, et je suis sûr que si... Ne courons pas ce risque, interrompis-je à mon tour. Il y a là un problème délicat. J'en entrevois la solution. Nous dirons que le projet nous a été suggéré par Georges. Il arrive à Georges de manquer d'obligeance. C'est une remarque que j'ai eu l'occasion et le regret de faire. Vous auriez cru qu'il allait être enchanté d'aider deux vieux camarades à se tirer d'embarras? Non, il devint agressif. Essayez, dit-il, et moi je dirais que mon plan tout au contraire avait été de partir en bande, avec femmes et enfants. J'aurais amené ma tante. Nous aurions loué un vieux château délicieux que je connais en Normandie, dans un endroit où le climat convient particulièrement aux enfants délicats et où le lait est tel qu'on n'en trouve pas de pareil en Angleterre. J'ajouterai que vous avez singulièrement exagéré en avançant que nous serions plus heureux, voyageant seuls. On n'arrive à rien avec Georges par la douceur. Il faut montrer de la fermeté. Dites-leur cela, s'écria Harris, et voici ce que je proposerai à mon tour. Nous louerons ce château, vous emmènerez votre tante, ça j'y tiens, et vous verrez l'agrément de ce mois de vacances. Les enfants raffolent tous de vous, j'y, et moi, nous disparaîtrons. Vous avez déjà promis à Edgar de l'initier à l'art de la pêche. Ce sera encore vous qui jouerez aux animaux sauvages. Dick et Muriel, depuis dimanche, ne font que parler de votre apparition en hippopotame. Nous ferons des pique-niques dans la forêt, nous ne serons que 11. Le soir, un peu de musique, et on dira des vers. Muriel possède déjà 6 morceaux, et les autres enfants, tous, apprennent très vite. Ces menaces rabattirent le caquet de Georges, et le petit incident clos, la question se posa de rechef. Que ferions-nous ? Harris, comme toujours, penchait pour la mer. Il nous parla d'un petit yacht, juste ce qu'il nous fallait, un yacht que nous pourrions manœuvrer nous-mêmes, sans l'aide d'une bande odieuse de fainéants, de ces gens qui ne savent que flâner à votre bord, ajoutés aux dépenses, et qui enlèvent au voyage son charme et sa poésie. Il se targuait de le faire marcher, son yacht, avec le seul concours d'un mousse débrouillard. Nous connaissions ce genre de yacht, et nous le lui dîmes. Nous avions déjà passé par là, Harris et moi. À l'exclusion de tout autre parfum, ce bateau sent la vase et les herbes pourries, arômes contre lesquels l'air pur de la mer ne saurait lutter. Il n'y a pas d'abri contre la pluie, le salon a 10 pieds sur 4, la moitié en est occupée par un poêle qui s'effondre quand on veut l'allumer. Vous êtes forcé de prendre votre tub sur le pont, et le vent emporte votre peignoir au moment même où vous sortez de l'eau. Harris et le mousse feraient tout le travail intéressant. Hisser la voile, gouverner, nager debout au vent, prendre des riz, à eux tous les agréments, tandis que Georges et moi nous éplucherions les pommes de terre et ferions le ménage. « Soit, concéda-t-il, prenons un beau yacht, avec un capitaine, et faisons les choses grandement. » Je m'y opposais encore. Je les connais, ces capitaines et leur manière de naviguer. Jadis, il y a des années, jeune et sans expérience, je louais un yacht. La coïncidence de 3 événements m'avait fait commettre cette folie. Ethelberta avait le désir de respirer l'air pur de la mer. J'avais eu un coup de chance, et le lendemain matin même, au club, mes yeux étaient tombés sur un numéro du Sportsman, où je lus l'annonce suivante. « Aux amateurs de yachting, occasion unique. L'Espiègle, yawl, 28 tonnes. Le propriétaire, subitement rappelé pour affaire, louerait ce lévrier de l'océan, yacht superbement agencé, pour période courte ou longue, piano Wofenkopf, chaudière en cuivre neuf, 10 guinées par semaine. S'adresser à Pertwee et compagnie, 3A, Berkelsbury. Cela m'avait fait l'effet d'une révélation du ciel. La chaudière en cuivre neuf m'importait peu. Je pensais qu'on pourrait attendre pour faire notre petite lessive. Mais le piano Wofenkopf m'inspirait. Je voyais déjà Ethelberta jouant, le soir, quelques chansons, dont l'équipage, avec un peu d'entraînement, reprendrait le refrain, tandis que notre demeure mobile bondirait, tel un lévrier agile, à travers les ondes argentées. Je hélai un cab et me fis conduire directement à Berkelsbury. Mr. Pertwee, un quidam d'aspect modeste, avait un bureau sans prétention au troisième étage. Il me montra une image à l'aquarelle de l'espiègle fuyant sous le vent. Le pont était incliné à quelque 90 degrés sur l'océan. Aucun être humain n'était visible sur ce pont. Je suppose qu'ils avaient tous glissé à l'eau. Je ne vois pas en effet comment on aurait pu s'y maintenir à moins d'y avoir été cloué. Je fis remarquer cette circonstance fâcheuse à l'agent. Il m'expliqua que l'espiègle était représenté au plus près serré lors de la victoire fameuse qu'il remporta dans la Coupe Challenge de la Medway. Mr. Pertwee me croyait au courant de cet événement et je préférais m'abstenir de le questionner. Deux petites taches près du cadre, que j'avais d'abord prises pour des mouches, représentaient, paraît-il, les deuxième et troisième gagnants de cette course célèbre. Une photographie du yacht ancré près de Gravesend était moins impressionnante, mais éveillait l'idée d'une plus grande stabilité. Toutes les réponses à mes questions ayant été favorables, je louai pour 15 jours. Mr. Pertwee dit qu'il se félicitait de ce que je ne retinsse pas son yacht pour plus longtemps. J'arrivais plus tard à être de son avis, car ce laps s'accordait exactement avec une autre location. Si j'avais demandé le yacht pour 3 semaines, il aurait été dans l'obligation de me le refuser. L'affaire étant conclue, Mr. Pertwee me demanda si j'avais un capitaine en vue. Par chance, je n'en avais pas. Tout semblait tourner en ma faveur, car Mr. Pertwee était certain que je ne pourrais mieux faire que de garder Mr. Goyles, actuellement en fonction, homme qui connaissait la mer comme un mari connaît sa femme et n'avait jamais eu à déplorer la perte d'un passager. Ceci se passait dans la matinée et le yacht se trouva être mouillé près de Hardwich. Je pus prendre l'express de 10h45 à Liverpool Street et à 1h, je causais avec Mr. Goyles à bord de l'espiègle. C'était un gros homme aux manières paternes. Je lui fis part de mon plan, contourner les îles hollandaises et naviguer lentement vers la Norvège. Il fit « bien, bien » et parut enthousiasmé de cette excursion, disant que cela l'amuserait aussi. Nous abordâmes la question de l'approvisionnement. Il s'enthousiasma encore davantage. J'avoue que la quantité de victuailles proposée par Mr. Goyles me surprit. Si nous avions vécu au temps de Drake et de la piraterie espagnole, j'aurais pu craindre qu'il ne machinât un coup. Cependant, il riait avec sa bonhomie paternelle, assurant que nous n'exagérions pas. Les restes, s'il devait y en avoir, l'équipage se les partagerait et les emporterait selon la coutume. Il me sembla que j'approvisionnais ces hommes pour tout l'hiver, mais, ne voulant pas paraître avare, je ne dis plus rien. La quantité de boissons réclamées m'étonna également. « Nous n'allons pas, dis-je, faire les apprêts d'une orgie, Mr. Goyles. »« Orgie ? Voyons, ils ne prendront qu'une goutte d'alcool dans leur thé. » Il m'exposa sa devise. « Recruter de bons matelots et bien les traiter. Ils travaillent de meilleur cœur et une autre fois reviennent à votre service. » Je ne tenais pas à ce qu'ils revinssent jamais à mon service. Je commençais à me dégoûter d'eux avant de les avoir vus, les considérant comme un équipage par trop vorace et altéré. Mr. Goyles était si plein d'entrain, et moi tellement inexpérimenté, que là encore je laissais faire. Je lui laissai aussi le soin d'enrôler l'équipage. Il dit qu'il en viendrait à bout avec 2 hommes et 1 mousse. S'il faisait allusion au nettoiement des victuailles et des boissons, il n'y pouvait réussir avec si peu de monde. Mais peut-être voulait-il parler de la conduite du yacht. En rentrant, je passai chez mon tailleur, et commandait un costume de yachting avec casquette blanche. Il promit de se dépêcher et de me le livrer en temps voulu. Puis je rentrai raconter à Ethelberta l'emploi de mon temps. Sa joie ne fut troublée que par cette seule pensée, la couturière aurait-elle le temps de lui faire un costume? Voilà bien les femmes. Mariés depuis peu, nous décidâmes de n'inviter personne. Je rends grâces au ciel de cette décision. Le lundi, nous nous équipâmes de pied en cap et partîmes. Je ne sais plus ce que portait Ethelberta. En tout cas, elle était fort élégante. Mon costume bleu, garni d'une étroite tresse blanche, faisait aussi très bon effet. Mr. Goyles vint à notre rencontre sur le pont et annonça que le linge était servi. Je dois reconnaître qu'il s'était assuré les services d'un très bon cuisinier. Je n'eus pas l'occasion de juger les capacités des autres membres de l'équipage, cependant je peux dire qu'au repos, il paraissait former une bande joyeuse. Mon projet était tel. Sitôt terminé le déjeuner des hommes, nous lèverions l'ancre. Penchés sur le bastingage, Ethelberta et moi, Moi, le cigare au bec, nous suivrions à l'horizon le subtil effacement des falaises patriales. Prêts à réaliser notre part du programme, nous attendions sur le pont. « Ils prennent leur temps, » dit-elle. « S'ils veulent manger en 15 jours tout ce qui se trouve sur ce yacht, ils mettront du temps à chaque repas. Ne les pressons pas, sinon ils n'arriveraient pas à en finir le quart. » « Ils se sont peut-être endormis, » remarqua plus tard Ethelberta. « Il va bientôt être l'heure du thé. » Sans contredit, ces gaillards-là étaient placides. Je m'avançais et hélai le capitaine Gols par l'écoutille. Je le hélai par 3 fois. Enfin, il monta lentement. Il me sembla vieilli, plus lourd. Entre ses lèvres, un cigare éteint. Il retira de la bouche son bout de cigare. « Quand vous serez prêt, capitaine Gols, » dis-je, « nous partirons. » « Pas aujourd'hui, monsieur, pas aujourd'hui. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« Je sais que les marins sont superstitieux. Peut-être le lundi était-il jour néfaste. »« Le jour n'y est pour rien, » répondit le capitaine. « C'est le vent qui me donne à réfléchir. Il n'a pas l'air de vouloir tourner. »« Mais a-t-il besoin de tourner ? » demandai-je. « Il me semble qu'il souffle juste dans la bonne direction, droit derrière nous. »« Oui, oui, droit, c'est bien le mot. » car nous irions tout droit à la mort. Dieu nous garde de mettre à la voile avec un vent pareil. Voyez-vous, expliqua-t-il en réponse à mon regard étonné, c'est ce que nous appelons un vent de terre, parce qu'il souffle directement de terre, si l'on peut dire. Effectivement, l'homme avait raison, le vent venait de terre. Il tournera peut-être pendant la nuit, dit le capitaine pour me réconforter. Du reste, il n'est pas violent, et l'espiègle tient bien la mer. Le capitaine Gols reprit son cigare et moi je retournai à l'arrière expliquer à Ethelberta la raison de notre retard. Elle paraissait de moins bonne humeur qu'au moment de notre embarquement et voulut savoir pourquoi nous ne pouvions pas partir avec un vent de terre. « S'il ne soufflait pas de la terre, dit-elle, il soufflerait de la mer et nous renverrait vers la côte. Il me semble que nous avons juste le vent qu'il nous faut. « Tu manques d'expérience, mon amour. » « Ce vent semble bien le vent qu'il nous faut, mais il ne l'est pas. C'est ce que nous appelons un vent de terre, et le vent de terre est toujours très dangereux. » Ethelberta voulut savoir pourquoi un vent de terre était toujours dangereux. Ces questions m'impatientaient. Peut-être étais-je légèrement irrité. Le tangage uniforme d'un petit yacht ancré déprime même l'esprit le plus ferme. « Je ne saurais te l'expliquer, » continuai-je, et c'était la vérité. Mais ce serait le comble de la témérité de mettre à la voile avec ce vent, et je t'aime trop, chérie, pour t'exposer à de pareils risques. » Ma phrase me parut élégante, mais Ethelberta répondit simplement qu'elle regrettait, dans ces conditions, d'être venue à bord avant mardi, et elle descendit. Le lendemain matin, le vent tourna au nord. Je m'étais levé de bonne heure et fis remarquer cette saute au capitaine. « Oui, oui, monsieur, déclara-t-il, c'est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. « Vous ne pensez pas pouvoir partir aujourd'hui ? » hasardai-je. Il rit et ne se fâcha pas. « Monsieur, si vous aviez l'intention d'aller à Ipswich, je vous dirais tout est au mieux. Mais notre destination étant, voyez-vous, la côte hollandaise, eh bien, voilà. » Je communiquai la nouvelle à Ethelberta et nous décidâmes de passer la journée à terre. Harwich n'est pas une ville gaie. Vers le soir, on pourrait dire qu'elle est morne. Nous prîmes du thé et des sandwichs à Dovercourt et retournâmes sur le quai pour retrouver le capitaine Gols et le bateau. Nous attendîmes le premier pendant 1 heure. Quand il arriva, il était plus gai que nous. S'il n'avait pas affirmé qu'il ne buvait jamais qu'un grog chaud avant de se coucher, j'aurais eu lieu de croire qu'il était gris. Le lendemain matin, le vent venait du sud, ce qui rendit le capitaine plutôt anxieux. Il paraît qu'il était tout aussi dangereux de s'en aller que de rester où nous étions. Notre seul espoir était que le vent tournât avant qu'un malheur irréparable ne fût arrivé. Entre-temps, Ethelberta avait pris le yacht en grippe. Elle dit qu'elle aurait préféré passer 1 semaine dans une cabine de bain, vu qu'une cabine de bain était du moins immobile. Nous passâmes un autre jour à Harwich, et cette nuit-là, ainsi que la suivante, le vent continuant à être au sud, nous couchâmes à la tête couronnée. Le vendredi, le vent souffla directement de la mer. Je rencontrai le capitaine sur le quai et lui suggérai que, vu cette circonstance, nous pourrions partir. Il me parut irrité de mon insistance. « Si vous étiez un peu plus au courant des choses de la mer, monsieur, vous verriez par vous-même que c'est impossible. Le vent souffle droit de la mer. » « Capitaine Golds, pouvez-vous me dire quel est l'objet que j'ai loué? Est-ce un yacht ou une maison flottante? Je demande par là si on peut mettre l'espiègle en mouvement ou s'il est condamné à l'immobilité, auquel cas vous me le diriez franchement. Nous décorerions le pont de caisses garnies de lierre, nous ajouterions quelques plantes fleuries, nous installerions une marquise, ce serait un lieu fort agréable. Si, au contraire, on pouvait mettre l'objet en mouvement. « En mouvement ?» interrompit le capitaine. « Il faudrait pour cela avoir le bon vent. »« Mais quel est le bon vent ?» Le capitaine Golds sembla embarrassé. Je continuai. « Au courant de la semaine, nous avons eu vent du nord, vent du sud, vent de l'est et vent de l'ouest, avec des variations. Je n'attendrais encore que si vous pouviez me désigner une cinquième direction sur la boussole. Sinon, à moins que l'ancre n'ait pris racine, nous la lèverons aujourd'hui même et nous verrons ce qui arrivera. » Il comprit que j'étais décidé. « Très bien, monsieur, jeta-t-il. Vous êtes le maître et moi l'employé. Je n'ai plus qu'un enfant à ma charge, grâce à Dieu, et sans aucun doute, vos exécuteurs comprendront leur devoir vis-à-vis de ma vieille. » Son ton solennel m'impressionna. « Monsieur Golds, soyez franc. Y a-t-il un espoir quelconque de quitter ce trou maudit par un temps quelconque ?» Le capitaine Golds me répondit gentiment. « Voyez-vous, monsieur, cette côte est très particulière. Une fois loin d'elle, tout irait bien, mais s'en détacher sur une coquille de noix comme celle-ci, eh bien, pour être franc, monsieur, ce serait dur. » Je le quittai avec l'assurance qu'il surveillerait le temps comme une mère veille sur le sommeil de son enfant. Ce fut sa propre comparaison. Je le revis à midi, il surveillait le temps de la fenêtre du chêne et ancre. À 5 heures ce jour-là, un heureux hasard nous fit rencontrer dans High Street 2 yachtsmen de mes amis. Par suite d'une avarie au gouvernail, ils avaient dû atterrir. Je leur racontai mon histoire, ils en semblèrent moins surpris qu'amusés. Le capitaine Golds et les 2 hommes surveillaient toujours le temps. Je courus à l'hôtel et mis Ethelberta au courant. Tous 4, nous nous faufilâmes jusqu'au quai, où nous trouvâmes notre bateau amarré. Seul le mousse était à bord. Mes 2 amis se chargèrent du yacht, et vers 6 heures, nous filions joyeusement le long de la côte. Nous passâmes la nuit à Aldobro, et le lendemain poussâmes jusqu'à Yarmouth, où mes amis se trouvèrent forcés de nous quitter. Je me décidai à abandonner le yacht. Le matin, de bonne heure, je vendis nos provisions aux enchères sur la plage de Yarmouth. Je le fis avec perte, mais j'eus la satisfaction de rouler le capitaine Golds. Je confiai l'espiègle à un marin de l'endroit qui promit de le ramener pour 2 sovereigns à Harwich. Nous rentrâmes à Londres par le train. Il se peut qu'il existe d'autres yachts que l'espiègle et d'autres patrons que le capitaine Golds, mais cette aventure m'a vacciné contre tout désir de récidive. George confirma qu'un yacht entraînait en outre beaucoup de responsabilités et nous en abandonnâmes l'idée. « Que penseriez-vous de la rivière ?» suggéra Harris. « Nous y avons passé de bons moments. » George continua à fumer en silence. Je cassai une autre noix. « La rivière n'est plus ce qu'elle a été, dis-je. Je ne sais pas exactement comment cela se fait, mais il y existe un je ne sais quoi dans l'air, une sorte d'humidité qui, chaque fois que j'en approche, réveille mon limbago. Et moi, remarqua George, j'ignore le pourquoi de la chose, mais je ne puis plus dormir dans son voisinage. J'ai passé une semaine chez James, au printemps. Toutes les nuits, je me réveillais à 7 heures et il m'était impossible de refermer l'œil. Je n'avais fait que la proposer sans y attacher grande importance, dit Harris, car cela ne me vaut rien non plus. Mon séjour s'y achève invariablement sur une attaque de gouttes. Ce qui me réussit le mieux, dis-je, c'est l'air de la montagne. Que penseriez-vous d'un voyage pédestre à travers l'Écosse ? Il fait toujours humide en Écosse, s'écria George. J'y ai passé 3 semaines, l'année avant-dernière, sans y avoir jamais eu le corps ni le gosier sec, si j'ose dire. Pourquoi pas la Suisse ? Émit Harris. J'objectais, jamais elles ne nous laisseront aller seules en Suisse. Vous savez ce qu'il en advint la dernière fois. Il nous faut un endroit où ni femme ni enfant habitués à un certain confort ne voudraient résider. Un pays de mauvais hôtels, de communications difficiles, où nous vivrions à la dure, où nous devrions trimer, jeûner peut-être. Doucement, interrompit Georges, doucement, vous oubliez que je pars avec vous. J'y suis, exclama Harris, une balade à bicyclette. Georges eut l'air d'hésiter. Il y a pas mal de montées, songez-y, et on a le vent debout. Soit, mais aussi des descentes, avec le vent dans le dos. Je ne m'en suis jamais aperçu, dit George. Vous ne trouverez pas mieux qu'un voyage à bicyclette, persista Harris. Je me sentais enclin à l'approuver. Et je vous dirai même où aller, continua-t-il, à travers la forêt noire. Mais elle est toute en montée, riposta George. Pas toute, mettons les deux tiers, il y a une commodité que vous oubliez. Il regarda autour de lui avec précaution et chuchota. Il y a des petits trains qui gravissent ces hauteurs, des petits trucs à rouilles dentées qui... La porte s'ouvrit et Madame Harris apparut. Elle dit qu'Ethelberta était en train de mettre son chapeau et que Muriel, lasse d'attendre, avait récité sans nous « The Mad Hatter's Tea Party ». Au club, demain 4 heures, me chuchota Harris en se levant. Je passai la consigne à George en montant l'escalier.